Malgré les coups, nous sommes debout, on vainque entre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux. Nous sommes debout, nous allons au bout de nous. Nous sommes debout, malgré les coups. Nous sommes debout, on vainque entre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux. Alors là, nous poussons nos derniers retranchements. L'inhumaine secousse de la guerre nous attend de Nazara. Nous adressons à la face de l'humanité nos témoignages avec passion. Nous sommes des hommes habités par la quête du transcendant. Au sein des haines hurlantes, nous ne sommes que des passants. Âmes toujours vibrantes dans le dépassement. Incessants, nous sommes inscrits de trépasser. Mange juste de l'au-delà, la vie crie vite, vite, j'écris à vite que je suis tête dans le vide. Dis, je suis le roi de mon moment, maître marquant. Ma petitesse, son absence, son limite, son ampleur me blesse, de joie je pleure et quitte toutes les contingences. Ce temps où les vengeances sont sanglantes, les engences et où les volants s'agencent. Je suis l'homme qui marche, qui défie étoiles et mages. Chacun peut être une arche et porter ce témoignage. Nous sommes debout, nous allons au bout de nous. Nous sommes debout, malgré les coups. Nous sommes debout, on vainque entre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux. Nous sommes debout, nous allons au bout de nous. Nous sommes debout, malgré les coups. Nous sommes debout, on vainque entre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux. Face à des forces promettant de nous écraser, la situation se corse, mais sans nous concerter, nous nous sommes retrouvés pour exploser les nœuds corsés. Où nous sommes enserrés avec notre seule humilité pour bouclier l'amour dans un contexte guerrier d'un déplacé. On sent c'est lourd et pourtant, si vrai de chaque instant, les menaces sourdent comme sous un rocher. Une source fait la chasse, est ouverte, ceux de lion à nos trousses. Les hyènes ont fait tout petit pion, sans noblesse, de malsaines, d'ambition, prétextant la religion dans le dessin néfaste, digne de Satan. L'inhumain gagne du terrain. Oh mon adversaire, jamais tu ne seras la misère de mon cœur, seulement amer face à l'enfer que tu crées sur terre. Mon âme sert ma céleste mère. Je suis l'homme qui marche, qui défie étoiles et mages. Chacun peut être une arche et porter ce témoignage. Nous sommes debout, nous allons au bout de nous. Nous sommes debout, malgré les coups. Nous sommes debout, on vainque contre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux. Nous sommes debout, nous allons au bout de nous. Nous sommes debout, malgré les coups. Nous sommes debout, on vainque contre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux. Je suis le boiteux, sans cesse avançant, je m'en remets. Adieu, moi le faible combattant. Je cherche une position de force pour appeler à la paix. Ma passion ne sert pas l'épée. Sans cesse, je propose une réponse au sens de ma naissance. J'ose concret mon existence en partenaire du Seigneur, liberté. Immense vertigineux et mon labeur. Sans fin à la patience, je m'attache. Debout, soyons, je te cache. Cache avec Satan sous la menace de la tâche. À l'âme de nous montrer lâche et négligeant la dignité de tout homme. S'attache à la responsabilité qu'il entend assumer. Debout, debout, debout. Combien même ce ne serait pas censé, soyons fous. Je suis l'homme qui marche, qui défie étoiles et mages. Chacun peut être une arche et porter ce témoignage. Nous sommes debout, nous allons au bout de nous. Nous sommes debout, malgré les coups. Nous sommes debout, on vainque entre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux. Nous sommes debout, nous allons au bout de nous. Nous sommes debout, malgré les coups. Nous sommes debout, on vainque entre tout. Nous sommes debout, jamais à genoux.